بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ف le sixième et dernier fondement des fondements de la foi en la prédestination, al-qadar. La foi en al-qadar, la prédestination, est un pilier des piliers de la foi qui fut affirmé par des preuves du livre d'Allah et de la sunna, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces preuves, nous trouvons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles. Nous avons créé toutes choses avec mesure. De même que sa parole tabaraka wa ta'ala dans le sens, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant et qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et concernant les preuves de la sunna, nous trouvons nombre de ahadith. Parmi eux, ce hadith que nous avons évoqué à maintes reprises, qui est communément appelé hadith ou Jibril, lorsqu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la foi, et qu'il lui cita sallallahu alayhi wa sallam les six fondements de la foi, et il dit dans le sens de ses paroles, et la foi en la prédestination bonne et mauvaise. De même que l'imam muslim rapporte dans son sahih, d'après Abdallah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qui dit dans le sens de ses paroles, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a écrit les proportions et le destin de chaque créature 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, et son trône se trouvait sur l'eau. Puis sachez que ce qu'indiquent les preuves concernant le destin est qu'il est de quatre étapes. Et c'est ce qui est affirmé par les gens de science. Ces quatre étapes sont la première, la croyance en la science d'Allah, qu'il est savant de toutes choses, des choses présentes comme des choses qui ne le sont pas, des choses potentielles comme des choses impossibles. Il englobe tout cela par sa science. Il a su ce qui est fut et ce qui est, de même que ce qui n'a pas été, comment cette chose aurait été si elle l'avait été. La science d'Allah tabaraka wa ta'ala, en effet, embrasse tout cela. Et nous trouvons parmi les preuves de cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Le deuxième palier, dans la croyance en la prédestination, est la croyance en l'écriture d'Allah tabaraka wa ta'ala de toute chose qui fut, qui est et qui sera, ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ses paroles, « C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. » Le troisième palier dans la foi, en la prédestination, « Al-Mashi'ah, la volonté, en effet, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a voulu, est, et ce qu'il n'a pas voulu, n'est pas. » Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Le quatrième palier de la foi en la prédestination, la création d'Allah tabaraka wa ta'ala de toutes choses, de même que sa capacité totale à accomplir cela. En effet, il est subhanahu wa ta'ala le créateur de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ses paroles, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Il dit aussi, dans le sens de ses paroles, « Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. » Il est donc impératif de croire en l'ensemble de ces quatre paliers afin de réaliser pleinement la foi en la prédestination. Et deux groupes se sont égarés concernant Al-Qadr, le destin, la prédestination. Le premier groupe, ce qu'on appelle Al-Jabriya, ceux qui disent que le serviteur n'a pas de libre arbitre. Et la deuxième, Al-Qadariya, ceux qui prétendent que le serviteur est indépendant dans sa volonté, de même que sa capacité à œuvrer, et que la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'impact, n'a pas d'effet sur les œuvres du serviteur. Plutôt qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne sait pas ce que le serviteur va faire avant qu'il l'ait fait. Et en réponse à ces ambiguïtés, nous dirons que, en effet, Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé que le serviteur a un libre arbitre, un bon vouloir, une volonté. de même qu'il annexa l'œuvre à ce dernier. C'est-à-dire que les œuvres sont évoquées comme étant les œuvres du serviteur. En effet, elles sont annexées à lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ces paroles: Il en est parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas, et il en est parmi vous qui désirez l'au-delà. Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles: Et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala affirma qu'il est le créateur de toutes choses, et que toute chose est selon sa volonté. Il expliqua aussi dans son livre que les œuvres des serviteurs n'adviennent que par sa volonté. Tabaraka wa ta'ala. Il dit, dans le sens de ses paroles: Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues, mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. De même qu'il dit, dans le sens de ses paroles, Tabaraka wa ta'ala, Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Et pour conclure, nous dirons que la parole des gens de la Sunna concernant les œuvres des serviteurs est que les serviteurs œuvrent véritablement et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a créés ainsi que leurs œuvres. Ils ont une volonté et Allah tabaraka wa ta'ala a sa volonté. Et ils ne voudront que si Allah le veut et ils ne pourront que si Allah le veut. Et point de chose n'est que si Allah tabaraka wa ta'ala le veut et le décide. Allah azzawajal guide et facilite, de même qu'il crée les gens. Il ne les oblige pas, il ne leur enlève pas leur libre arbitre, de même qu'il sait pertinemment ce qu'ils font avant même qu'il ait œuvré. Tabaraka wa ta'ala. Et je terminerai ici en évoquant les fruits que nous récoltons de notre croyance, de notre foi en la prédestination. Car en effet, le croyant récolte des fruits grandioses de sa foi en la prédestination. Parmi ces fruits, le fait qu'il s'en remette à Allah tabaraka wa ta'ala, tout en accomplissant les causes. Car en effet, Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de ces causes, comme de ce qui en résulte. De même que parmi ces fruits, la tranquillité de l'esprit et du cœur que trouve le croyant lorsqu'il comprend que toute chose ne peut être que par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa prédestination. Parmi ces fruits aussi que nous récoltons de notre croyance en la prédestination, repousser l'admiration et la fascination de notre propre personne lorsqu'il nous arrive ce que nous désirons. Car en vérité, ceci est un bienfait provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce qu'il a décrété pour nous. Il convient donc à ce moment-là de le remercier, tabaraka wa ta'ala, et de délaisser cette fascination de nos propres personnes. De même que parmi ces fruits que nous récoltons, repousser l'inquiétude et la contrariété lorsque nous n'atteignons pas ce que nous désirons, ou lorsqu'il nous arrive une chose qui nous est détestable, car ceci est le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa prédestination. Il conviendra donc de patienter face à cela. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين